Savez-vous quoi? On est au dernier chapitre d'Exode. Ça se peut-tu? Savez-vous combien de temps ça a pris? Regardez la date entre parenthèses. On a commencé, en fait, Michel Edima a commencé le 4 juin 2023. Et ça, c'est le plan qu'il nous a proposé. OK? Fait que je vais juste le regarder grossièrement avec vous, là, pour passer à travers les étapes. Donc, ça, c'est le plan qu'il vous avait donné. Je pense que vous aviez la possibilité d'avoir une feuille imprimée. Si vous ne l'avez pas sur le site de l'Église, c'est possible. Ou vous demanderez à Michel, dans ses archives, il y a certainement ça, entre deux repas. Donc, on a commencé par l'explosion démographique. Donc, Dieu, il faut se rappeler qu'il a envoyé son peuple en Égypte. Et parce qu'il y avait la famine. Donc, c'était pour le conserver en vie. Et dès avant ça, il avait envoyé Joseph. OK? Donc, dans toute la suite de l'histoire, c'est qu'il y a eu une explosion démographique, effectivement, dans les 400 ans qui vont être en Égypte. On va partir de 75 personnes et on va en finir avec 603 550 hommes de 20 ans et plus, sans compter les femmes et les enfants. OK? Fait qu'on parle de millions de personnes. Donc, ça, c'est ce que Dieu a fait avec son peuple. Il avait fait la promesse à Abraham qu'il lui donnerait un peuple nombreux. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Donc, ils ont vécu en Égypte de l'oppression de la part du Pharaon, qui est le souverain de l'Égypte. Ensuite, il y a eu la préparation du libérateur, qui est Moïse. On se rappelle qu'au commencement, Moïse, il ne voulait pas y aller. Il trouvait toutes sortes de défaites. Mais Dieu l'avait choisi quand même. Et en l'espace de, on va dire, de 2 à 3 ans, Moïse est devenu l'homme qu'on rencontre dans tout le restant d'Exode, en l'espace de 3 ans à peu près. Donc, la confrontation avec Pharaon, c'est ce qui s'est passé par après. Donc, à mesure que Dieu veut faire sortir son peuple, il amène des miracles et des prodiges. Pharaon les voit, mais il refuse. Okay? Ensuite, il y a eu les préparatifs du départ. Juste avant, c'est la célébration de la Pâque, qui exprime comment Dieu veut libérer son peuple, c'est-à-dire à travers le sacrifice d'un agneau auquel le peuple doit accepter et se soumettre. Ensuite, c'est le chemin vers le Sinaï. Donc là, le peuple est vraiment libéré. Il est sorti et il se rend jusqu'à la porte de la mer Rouge. Et ils sont libérés de l'esclavage. Et ils vont traverser la mer, mais lorsqu'ils arrivent dans le désert, il y a déjà des murmures parce qu'ils n'ont pas d'eau et parce qu'ils ne trouvent rien à manger. Fait que là, ce qu'on fait, c'est qu'au lieu de célébrer Dieu, le remercier, bien, on chiale après. Fait que il y a des murmures qui se produisent. Ensuite, il va y avoir la rencontre avec Jéthro qu'on a vu dans le passé. Là, quelqu'un a touché ce thème-là. Et ensuite, c'est Israël qui est au Sinaï. Donc, il y a la loi. Donc, la première alliance que Dieu va faire, c'est à travers la loi qu'il va donner à Moïse sur la montagne. Ensuite, il y a le tabernacle dont Dieu va donner des instructions selon un modèle. Ensuite, il y a le culte qui va être le culte de Dieu qui est profané, c'est-à-dire le veau d'or. Donc, au moment où Moïse descend avec les tables de la loi, le peuple en bas il est déjà dans l'idolâtrie. Fabrication d'un veau d'or, ils sont en train de danser, s'amuser, se réjouir, mais c'est un idole. Et Moïse est choqué, prend les tables de la loi puis les brise. Voilà. Ensuite, c'est la présence de Dieu qui est confirmée, donc la seconde alliance. Il leur dit qu'il va être avec eux et qu'il va marcher avec eux et qu'il ne les laissera pas seuls. Il ne laissera pas seuls ni Moïse, ni la nation. Et finalement, il va y avoir le tabernacle de Dieu qui va être construit. Et ça, c'est le modèle qui est exécuté. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a déjà suivi un modèle? OK, quel genre de modèle vous avez suivi? Oui. La serre que tu as montée hier. Ah oui, c'est vrai. Non, mais c'est bon. Il y avait une serre avec tout un plan qu'il fallait regarder, comprendre et surtout suivre. OK, un autre modèle. Madame Rousseau. Les patrons de couture. Ah, ça, c'est plus compliqué parce qu'il y a des ajustements à faire. Hein? Valérie. Les légaux. Gardons ça. OK. Est-ce que vous avez fait suivi un autre plan? Oui. Ton gazebo, tu as fait ça tout seul. Oh, c'est bon, ça. Et vous aviez un plan? Ah, extraordinaire. Est-ce que quelqu'un fait de la cuisson déjà ou préparer une recette qu'il ne connaissait pas? Rénovation, construction. OK. Un modèle. Le modèle, il est sur papier à réaliser. Dans le cas de Moïse, c'est un plan qui est dans sa tête, mais dans le cas d'un plan à suivre, un modèle à suivre, il y en a qui sont sur papier. OK. Édouard. Viens nous montrer le modèle. Le modèle pour commencer. D'accord. Non, on ne montre pas ça tout de suite. Alors, voici le modèle. Ça, ce qui est fait monter. OK? Édouard, il y a combien de pièces? 1969 pièces à monter. OK? Et tu le fais en combien de temps? 2 jours. Il n'y a pas dormi. Donc, ça, c'est le modèle que lui a assemblé. Et il y a, je présume, une fiche que tu dois suivre. D'accord? Et le produit fini va donner ce qu'il a. OK? Je vais faire un rapprochement entre le tableau. Merci, Édouard. Et on va l'assembler tantôt. Et du calme. Du calme, on va l'assembler tantôt. OK. Exode 39, le verset 33a, dit ceci. 39, le verset. On amena le tabernacle à Moïse. Et là, on amène tous les éléments un par un. OK? Et le verset 42-43 dit, « Les enfants d'Israël firent tous ces ouvrages en se conformant à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. » Moïse examina tout le travail, et voici, il l'avait fait comme l'Éternel l'avait ordonné, il l'avait fait ainsi, et Moïse les bénit. Ce qu'il faut remarquer maintenant, le chapitre qu'on va lire, il va peut-être apparaître comme étant comme les autres, mais en fait, il est différent des autres. Parce que jusqu'à maintenant, Dieu a donné des instructions pour construire les éléments qui vont faire partie du tabernacle. Mais le tabernacle n'a jamais été assemblé. Donc, tous les éléments qui sont nécessaires à la fabrication du tabernacle, on parle autant du lieu très saint, le lieu saint, le parvis, que toute l'enceinte. C'est comme si, au verset 33, tous ceux qui ont travaillé sont fiers dans leur travail. C'est un travail qui est très bien fait. Et souvent, il va dire que c'est conforme à ce que Dieu a montré, a donné à Moïse sur la montagne. OK? Il les apporte et c'est comme s'ils étaient tous ensemble étalés devant. C'est comme lorsque Édouard ouvre la boîte de Lego et puis dedans, il y a des sachets et dedans, ce n'est pas assemblé, là. Mais il y a plein de Lego, plein de couleurs, plein de... Vous viendrez regarder le détail qu'il y a là-dedans. Et si Édouard est disponible tantôt, il va ouvrir une section. Et vous allez voir comment ça prend du temps. C'est nécessaire que ça prenne du temps. Donc, on a dit que ça a pris quelque chose comme 6 mois pour construire tous les éléments qui vont être utiles pour construire le tabernacle, construire le temple dans le désert. On se rappelle que l'objectif de Dieu pour la construction du tabernacle dans le désert, c'est que Dieu veut habiter au milieu de son peuple. Donc, Dieu n'est pas un Dieu qui est éloigné. C'est un Dieu qui est près du peuple. Et il va être tellement près du peuple En fait, il va être en plein centre de toute la distribution des tribus autour. Le tabernacle est central. Donc, c'est comme si c'était le cœur de la nation qui est là au milieu d'eux. Et donc, Dieu va leur offrir, à travers tout le service qu'ils vont faire dans le tabernacle, il va leur offrir l'opportunité d'être constamment en relation avec Dieu. Constamment être en paix avec Dieu. Et plus que ça, c'est qu'il va les amener à se réjouir de ce que Dieu est là. Parce que dans les sacrifices qui sont offerts, il y a le sacrifice pour le pardon, c'est évident. Okay? Il y a des holocaustes, mais il y a aussi des offrandes qui sont des actions de grâce. Donc, le peuple va se déplacer et il va venir devant Dieu pour offrir des sacrifices de bon cœur, juste par reconnaissance de ce que Dieu fait dans leur vie. Le temps qu'on passe ensemble ici, le matin, donc c'est non seulement pour venir écouter ce que Dieu a à dire, pas juste à travers moi, mais de toutes sortes de manières, mais en même temps, c'est qu'on vient se réjouir de ce que Dieu fait dans nos vies, et du fait aussi qu'il nous ait choisis pour lui appartenir, choisis pour faire partie du temple de Dieu sur la terre, qui est l'Église. On va lire premièrement Exode 40, versets 1 à 15. Donc, le titre que j'ai donné, c'est « Exécute le plan de Dieu ». Et je vais essayer de vous soulever en cours de route à quoi ça fait référence. OK? Fait qu'on va lire Exode 40, versets 1 à 15. Et je vous fais noter au départ que ce sont les instructions que Dieu donne à Moïse dans le but de savoir comment et quand il va devoir installer le tabernacle. Okay? Donc, on va lire Exode 40, versets 1 à 15. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle. » La tente d'assignation, ou la tente de la rencontre, dans d'autres versions. Tu y placeras l'arche du témoignage, et tu couvriras l'arche avec un voile. Donc, dans la chronologie ou dans la séquence, on part toujours du lieu très saint. Et on va s'en aller vers le parvis. C'est toujours comme ça que ça marche. Verset 4. Tu apporteras la table, et tu la déposeras en ordre. Tu apporteras le chandelier et tu en arrangeras les lampes. Tu placeras l'autel d'or pour les parfums devant l'arche du témoignage et tu mettras le rideau à l'entrée du tabernacle. Tu placeras l'autel des holocaustes devant l'entrée du tabernacle de la tente d'assignation. Tu placeras la cuve entre la tente d'assignation et l'autel et tu y mettras de l'eau. Tu placeras le parvis à l'entour et tu mettras le rideau à la porte du parvis. Tu prendras l'huile d'onction, tu oindras le tabernacle et tout ce qu'il renferme, et tu le sanctifieras avec tous ses ustensiles. Il sera saint. Tu oindras l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, et tu sanctifieras l'autel, et l'autel sera très saint. Tu oindras la cuve avec sa base, et tu la sanctifieras. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation, et tu les laveras avec de l'eau. Tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés, tu l'oindras, et tu le sanctifieras pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. Tu feras approcher ses fils, et tu les revêtiras de tuniques, et tu les oindras comme tu auras oint leur père, pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Cette onction leur assurera à perpétuité le sacerdoce parmi leurs descendants. Ce qu'on doit comprendre, c'est que lorsque Dieu a demandé de préparer chacun des éléments pour la construction du tabernacle, tout est là. Vraiment, tout est là. Il ne manque absolument rien. Quand on parle ici de l'huile d'onction, c'est qu'elle est déjà préparée selon une règle que Dieu a donnée et elle va servir. Et là, ce que Dieu est en train de faire, c'est qu'il se sert de Moïse tout le temps. Donc, non seulement il l'a choisi au départ pour être l'intermédiaire entre lui, Dieu, et son peuple. Mais encore ici, ce ne sont pas les sacrificateurs qui vont assembler le tabernacle, parce qu'ils ne sont pas encore en fonction. Dieu donne l'ordre à Moïse de faire l'installation. Comprenez? Donc, il avait dit au début d'Exode qu'il va faire de Moïse comme si c'était Dieu qui était là, comme si c'était Dieu qui était présent au milieu d'eux. Et si on fait le rapprochement avec le Nouveau Testament, Dieu a fait de Jésus le médiateur entre Dieu et les hommes. C'est lui qui constamment est avec le peuple, avec Israël, et c'est lui qui constamment non seulement les enseigne, mais il marche avec eux tous les jours. Il est présent tous les jours. Et comme on l'a vu de l'autre côté ce matin, dans Jean 17, c'est que Jésus, lui, de par sa vie, de par sa personne, de par son amour pour Dieu et son amour pour la parole, il se sanctifie lui-même afin que son peuple soit sanctifié. Donc, la sanctification qui vient se produire ici, c'est qu'il y a tout un processus, et ça, c'est dans Lévitique 8. Vous irez voir ça. On va le regarder un peu tantôt, mais je vais vous donner les principaux éléments de la sanctification, comment les sacrificateurs vont être sanctifiés. Mais lorsqu'ils versent ici l'huile sur la tête, lorsqu'il va oindre plutôt les éléments, chacun des éléments, c'est qu'il est en train de sanctifier la fonction de chacun des éléments dans le tabernacle et dans le parvis. Et c'est absolument nécessaire, parce que tout l'ensemble représente la sainteté de Dieu. Et ce n'est pas n'importe comment qu'on peut s'approcher de Dieu. Fait que ce qu'il fait, lui, c'est qu'il présente l'ordre ou la séquence ou la fonction avec comment on va s'approcher de Dieu pour être agréé par lui. Et ça, le peuple, il va comprendre en l'exécutant. Moïse, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il fait, il place les éléments à leurs endroits bien précis et il détermine, en plaçant les rideaux, par exemple, là où le souverain sacrificateur a accès, là où les sacrificateurs ont accès et là où le peuple a accès. Allons voir le psaume 133. Et c'est en rapport avec non seulement l'onction, mais c'est en rapport avec la bénédiction de Dieu. Il dit, « Voici, ô qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe et sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que Dieu envoie la bénédiction, la vie, pour l'éternité. D'après vous, il y a combien d'huile? Il y a combien d'huile qui est versée sur la tête d'Aaron? Une bonne fiole, hein? Pour descendre jusque sur le bord de ses vêtements, c'est toute une onction. Cette onction-là, les enfants de Dieu l'ont reçue. Lorsque Dieu accorde le Saint-Esprit à tous ses enfants, à tous ceux qui croient en Jésus-Christ, vous recevez cette onction-là. Elle vous couvre de la tête aux pieds. Et c'est là que Dieu dit qu'il donne, qu'il envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Vous avez le privilège, en tant qu'enfant de Dieu, d'être oint par Dieu lui-même. Et cette onction-là, elle est dans vos cœurs, elle est là en permanence. Et nous, on ne fait qu'en jouir. Fait que comme le tabernacle était le projet de Dieu pour vivre au milieu de son peuple, l'envoi du Saint-Esprit, c'est aussi le plan de Dieu, le projet de Dieu, pour que nous, nous soyons constamment en présence de Dieu, ou qu'on peut venir constamment en présence de Dieu. On va continuer la lecture. Exode 40, 16 à 33. Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il fit ainsi. Le premier jour du premier mois de la seconde année, le tabernacle fut dressé. Moïse dressa le tabernacle. Rappelons-nous qu'il est le médiateur, le coordonnateur. Ça ne veut pas dire que Moïse fait tout seul. Parce que vous avez vu à travers l'étude d'Exode qu'il y a des colonnes, qu'il y a des poteaux, qu'il y a des planches, il y a des barres. Moïse n'a pas les bras assez longs pour tout couvrir. Fait qu'il fait ou il va faire exécuter. C'est sa responsabilité à lui. Donc Moïse dressa le tabernacle, il imposa les bases, il plaça les planches et les barres et il éleva les colonnes. Il étendit la tente sur le tabernacle et il mit la couverture de la tente par-dessus, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il prit le témoignage, et le témoignage, c'est les tables de la loi. Il les plaça dans l'arche. Il mit les barres à l'arche. Il posa le propitiatoire au-dessus de l'arche. C'est un couvert d'or avec les anges, vous vous rappelez? C'est là où le sang qui est versé une fois par année, le sang d'expiation, va être déposé, va être versé. Il apporta l'arche dans le tabernacle. Il mit le voile de séparation. Et il en couvrit l'arche du témoignage comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il y a un voile de séparation qui est entre le lieu très saint et le lieu saint. Il plaça la table dans la tente d'assignation au côté septentrional du tabernacle en dehors du voile. On se trouve dans le lieu saint, là où les sacrificateurs vont avoir accès à chaque jour. Et il y déposa en ordre les pains devant l'Éternel, comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Il plaça le chandelier dans la tente d'assignation, en face de la table, du côté méridional, c'est-à-dire sud, du tabernacle. Et il en arrangea les lampes devant l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça l'autel d'or dans la tente d'assignation devant le voile, et il y fit brûler le parfum odoriférant, comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Il plaça le rideau à l'entrée du tabernacle. Il plaça l'autel des holocaustes. Là, on vient de quitter le lieu saint, et on s'en va dans le parvis. Il plaça l'autel des holocaustes à l'entrée du tabernacle de la tente d'assignation. Et il y offrit l'holocauste et l'offrande, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça la cuve entre la tente d'assignation et l'autel, et il y mit de l'eau pour les ablutions. Moïse, Aaron et ses fils s'y lavèrent les mains et les pieds. Lorsqu'ils entrèrent dans la tente d'assignation et qu'ils s'approchèrent de l'autel, ils se lavèrent comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel, et il mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Ce que Dieu donne, c'est toujours des instructions très claires. Donc, ils ne vont pas faire l'installation n'importe quand dans l'année. Ils vont le faire le premier mois, le premier jour du premier mois. Et quel autre événement se produit le premier mois de l'année? Quel autre événement Dieu a donné et qui va se produire ce mois-là? Est-ce que vous vous rappelez? La Pâque. La Pâque va se produire le 14e jour du premier mois. Donc, Dieu est en train de préparer la Pâque en faisant construire dès le début du mois le tabernacle et en intronisant en même temps les sacrificateurs dans leur fonction. Il est en train de tout préparer pour célébrer la Pâque dans le désert. C'est ce que Dieu est en train de faire. Donc, il va passer du lieu très saint dans l'assemblage au lieu saint, au parvis et pour les sacrificateurs. Donc, lorsqu'il va sanctifier les sacrificateurs, dans le livre des Lévites, ça va marquer que c'est toujours Moïse. Rappelez-vous que c'est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes qui exécute les fonctions demandées par Dieu. C'est lui qui va faire revêtir les sacrificateurs. C'est lui qui va les oindre. C'est lui qui va les sanctifier. Et c'est lui qui va les consacrer au service de Dieu. Quand on parle de sanctification et qu'on parle de consacrer au service de Dieu, on parle nécessairement qu'il y a des victimes. Obligatoirement, il y a des victimes. Dans Lévitique chapitre 8, il va y avoir un taureau qui va être immolé. Ce que Dieu demande aux sacrificateurs, c'est de poser leurs mains sur la tête de l'animal. L'animal va être égorgé. Le sang, donc, va être versé. Et lorsqu'ils font ça, OK? Donc, on est en train de sanctifier en même temps chacun des éléments. Donc, le sang va être versé autour de l'autel des holocaustes, mais l'animal qui va servir au début, le taureau, lui, il va être brûlé hors du camp. Il va y avoir, ça c'est le sacrifice, la victime expiatoire. Pour faire le lien avec Jésus, c'est qu'il est la victime expiatoire, il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde et dont lui va mourir en dehors de la ville. Il va faire l'expiation de nos péchés sur le bois, mais en dehors de la ville. Ils vont offrir aussi un holocauste. L'holocauste, c'est un bélier qui, lui, est pour le pardon des péchés. Donc, pour le sacrificateur et le souvenir sacrificateur, donc les péchés d'eux-mêmes doivent être expiés. Lévitique. Et l'autre sacrifice qui va venir, c'est le sacrifice de la victime de consécration. La victime de consécration est aussi un bélier, un mâle sans défaut, qui va être immolé, mais qui va servir pour introniser les sacrificateurs dans leur fonction. Ce que ça va leur donner à partir de ce moment-là, c'est l'autorité d'exercer le sacerdoce. Mais tant que ce n'est pas fait, tant que Dieu ne donne pas le OK, ils ne peuvent pas agir. Jusqu'à maintenant, c'est toujours Moïse qui agit. C'est toujours lui qui exécute les fonctions. Faisons le lien avec nous. Donc, l'Église, Dieu nous demande d'exécuter son plan, d'exécuter sa parole. Donc, il nous a choisis. Jean 15, 16, Jésus dit à ses apôtres, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. » Chacun dans cette salle ici, qui connaît Jésus-Christ, qui est en relation avec Jésus-Christ, qui se sait pardonné par Jésus-Christ, il a été choisi par Dieu. Comme Moïse a été choisi comme serviteur sur la maison de Dieu. Romains 8, regardez bien ce que ça dit. Romains 8, 29, 30. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, Donc, chacun de vous qui avait une relation personnelle avec Jésus-Christ, il les a aussi appelés. Donc, partout où est-ce que vous avez grandi, à un moment donné dans votre vie, vous entendez la voix de Dieu. Vous savez que Dieu vous appelle par votre nom. Vous le savez dans votre cœur. Et ceux qui les a appelés, il les a aussi justifiés. Donc, c'est-à-dire que vous avez été lavés par le sang de l'agneau. Et ceux qui les a justifiés, il les a aussi glorifiés. Lorsque vous avez l'Esprit de Dieu sur vous, en vous, vous avez la gloire de Dieu sur vous. C'est peut-être pas visible comme ça, là, vous ne rayonnez pas comme le soleil. Mais c'est une réalité. Et la réalité, c'est que partout où vous allez, c'est la gloire de Dieu qui est dans votre vie, qui reflète sur les autres. Vous êtes la lumière du monde. C'est ça qui se passe. Il dit, vous avez été sanctifiés. Éphésiens chapitre 1, versets 4 et 6. Regardez bien ce qui est écrit. Éphésiens 1, 4 à 6. En lui, donc quand vous appartenez à Jésus-Christ, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, donc prédestinés, pas juste avant que tu naisses, prédestinés avant qu'il y ait quoi que ce soit d'établi dans le monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Ce qu'on vient de dire là, c'est que le dessein de Dieu, avant même qu'on soit né, avant même qu'on ait commis quoi que ce soit, des œuvres ou des bonnes œuvres ou des mauvaises œuvres, Dieu nous avait déjà déclarés saints et irrépréhensibles à cause de notre relation avec Jésus-Christ. On sait qu'on est dans un processus de sanctification, c'est-à-dire que quelqu'un qui voit nos vies avant puis qui garde nos vies après, il y a vraiment une différence. Il y a vraiment, vraiment une différence. Notre langage n'est plus le même. Notre réaction n'est plus la même. Nos pensées ne sont plus la même. Notre langage n'est plus le même. Ils vont vous trouver peut-être même fatigant lorsque vous allez citer la parole souvent. Ils vont peut-être vous trouver achalant. Tu te souviens que ça dans la bouche? Oui. Non, mais ça va être comme ça. OK? Éphésiens 1, 13, 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Le gage, là, c'est une... Je vais faire référence à ce que Dieu a mis sur le souverain sacrificateur. Le gage, c'est que sur le front du souverain sacrificateur, sur la tiare, c'est écrit « Sainteté à l'Éternel ». Le gage, c'est comme « Je vous donne un acompte sur la finalité ». Et lorsque Dieu vous donne le Saint-Esprit, c'est qu'il place sur vous, je vais dire, dans une autre version dont la Bible est traduite, c'est écrit, il met sa marque personnelle sur vous, son sceau. OK? Donc, vous êtes scellés par Dieu. Et l'Esprit Saint qui est en vous, il vient vous sceller comme appartenant à Dieu. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Et ça, ce n'est qu'un gage en vue de la vie éternelle qui nous est promise. Et donc, en attendant, je vis la vie éternelle, parce que Dieu m'a donné sa vie, c'est une vie éternelle, mais je vais y goûter pleinement et tout ensemble de ce qu'on va être avec lui. 1 Jean 1, 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, Nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ce que Jésus fait, non seulement c'est qu'il nous sauve individuellement, mais il nous amène ensemble, dans sa famille. Lorsque Dieu amène le projet, le plan de la construction du tabernacle dans le désert, il a comme objectif, premièrement, que sa gloire apparaisse au milieu de son peuple, c'est vrai, mais il a un objectif de faire travailler son peuple ensemble au même but. Donc, chacun selon les capacités, les talents que Dieu a donnés, les habilités qu'il a données à chacun, chacun il met en commun tout ce qu'il est lui-même et toutes ses habilités dans le but que le plan de Dieu, le projet final de Dieu, soit exactement comme Dieu le veut. Et lorsqu'il nous place tout le monde, nous, ensemble, dans l'Église, c'est qu'il donne à chacun son esprit et à chacun, il accorde un don dans le but de l'édification commune, dans le but qu'on soit solide, fort, rendu irréprochable au jour où Christ va venir nous chercher. Et quand on travaille vraiment ensemble, la gloire de Dieu paraît, mais la finalité que l'Église va être avec Jésus-Christ pour toujours, c'est aussi ça la réalité. Et on va l'avoir. Il nous a qualifiés pour le service. 1 Corinthiens 12. Fait autant Dieu a donné des dons, a fait des dons à Betsaléel, à Oliab et à plein d'hommes et de femmes avec des habilités pour coudre les toiles, pour coudre les tissus. Imaginez, là, vous insérez dans des tissus des lames d'or. Donc, René, qui fait de la couture, il faudrait lui demander comment elle ferait ça. De découper de l'or en lanières et de les insérer dans le tissu pour que ça ne forme qu'un seul assemblage. Un tout. OK. 1 Corinthiens 12, 7 à 11. Il dit, « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Donc, ce n'est pas pour ma gloire personnelle, ce n'est pas pour ma croissance personnelle, c'est pour la gloire de Dieu, mais c'est pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre la foi, par le même Esprit. À un autre le don de guérison, par le même Esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. En fait, l'Esprit de Dieu possède tous les dons. Il les a tous. Et il les donne en particulier aux siens. Pourquoi? L'utilité commune. En Jésus-Christ, nous sommes devenus parfaits pour Dieu. Vous savez ça? Oui? Qu'est-ce qu'il dit? Qui dit ça? Oui? Hébreux 10, 14. Apprenez ça par cœur. Par un seul sacrifice, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. On a vu que la sanctification appartenait à Dieu. C'est lui qui nous rend saints. Comme il a demandé à Moïse de sanctifier chaque élément du tabernacle, du parvis, l'autel, les lieux, tous les éléments ont été sanctifiés par Dieu. C'est lui qui décide. Et nous, c'est Jésus, à cause de Jésus, on est rendu parfait devant Dieu. Mais en même temps, c'est qu'on est sauvés, nous, nés de nouveau, appartenant à Dieu, comme enfants de Dieu, on est sauvés pour servir. Regardez bien Luc 1, qu'est-ce qui est dit? On va dire que c'est le cantique de Zacharie. C'est vrai. Je vais vous dire que c'est la parole de Dieu. Luc 1, 68 dit, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de quoi? De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. » Ça, c'est notre défi. Notre défi, c'est de se soumettre à l'Esprit de Dieu qui, lui, va nous amener à vivre dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. En fait, c'est notre comportement, les uns par rapport aux autres, va changer. Quelqu'un que je détestais, je vais l'aimer. Quelqu'un que je fuyais, je vais m'approcher de lui. Quelqu'un devant qui je tournerai le dos, je vais le prendre dans mes bras. Parce que l'Esprit de Dieu m'amène vraiment à vivre comme Jésus. Les caractéristiques que je cherche personnellement dans la vie de quiconque se déclare enfant de Dieu, c'est est-ce qu'il ressemble à Jésus? S'il ressemble à Jésus, je bénis l'Éternel pour ça. Autant dans son amour, autant dans sa fidélité, autant dans sa sainteté, autant dans la gloire qu'il manifeste dans ses actions, autant dans son humilité, autant dans sa douceur, autant dans sa patience. Quelqu'un qui ressemble à Jésus-Christ, ça paraît. Il est le modèle. Oui, effectivement. Oui. Et la question que je vous pose, c'est est-ce que chacun de nous, on est en train de servir Jésus dans un cœur bien disposé, avec un cœur bien disposé dans l'Église? Peu importe ce qu'on vous a confié, là. Peu importe ce que vous avez accepté comme responsabilité de prendre. Est-ce que je suis en train de faire ce que Jésus me demande avec beaucoup de joie, avec tout le potentiel que j'ai? Dans le but que Jésus soit glorifié, dans le but que l'Église soit édifiée. Les hommes et les femmes qui étaient en train de construire les éléments du tabernacle, à tous les jours, ils étaient en train de travailler là-dessus. Ils trouvent de l'or brut, là, même que des fois, ça va être des anneaux, ça va être des bagues, ça va être des objets. Ils doivent les fondre et fabriquer un objet avec, là. Quelque chose de complètement un autre aspect, mais qui va servir à la gloire de Dieu. En train de prendre des fils de chèvre. Faites-moi ça, là. Faites-moi des fils de chèvre, avec du poil de chèvre. Vous avez besoin d'être habile drôlement. Moi, je n'ai pas essayé, je ne suis pas capable. Mais vous comprenez que quand quelqu'un est au service de Dieu et qu'il sait qu'il lui appartient et que ça l'a coûté à Dieu la vie de son Fils bien-aimé pour que je puisse dire que je suis enfant de Dieu et que je suis au service du Maître. Quand j'ai ça là, dans ma compréhension, mon désir, c'est de mettre tout ce que j'ai à son service et de le glorifier dans tout mon être. Dans toute ma personne. Exode 40, 34, 38, ça finit notre livre et ça finit notre chapitre. C'est écrit, bougez pas, là, je suis dans Genèse, ça ne marche pas. Genèse, on l'a fait, hein, ça fait longtemps. Alors, Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait plus entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Imaginez, le Moïse est allé sur la montagne, il a demandé de voir la face de Dieu, et Dieu est passé, il l'a caché dans un rocher, et il a vu Dieu de dos, mais il ne peut pas rester là dans le lieu très saint, ni dans le lieu saint, à cause de la gloire manifestée de Dieu. C'est extraordinaire de voir comment Dieu, il aime être au milieu de son peuple. Et il aime qu'on ait confiance en lui. Je vous donne des choses à accomplir et avec les habiletés pour le faire, et je vais me glorifier à travers votre ouvrage dans un produit fini. Aussi longtemps que durèrent leur marche, en fait, ils vont être 40 ans dans le désert. Et dans 40 ans, il va y avoir 30 départs et 30 arrivées. Aussi longtemps que durèrent leur marche, les enfants d'Israël partaient quand la nuée se levait au-dessus du tabernacle. Et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas, jusqu'à ce qu'elle s'élevât. Et la nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit, il y avait un feu aux yeux de la maison d'Israël pendant toute leur marche. Ça l'a donné ça comme produit fini. Édouard, est-ce qu'il était là? Tu viendrais-tu nous assembler ton modèle? Édouard est parti d'un modèle, d'un plan. Juste l'assemblée. Ah oui, tu vas le faire, je suis convaincu. Tu le connais. À partir d'un plan d'instruction précise, on arrive à un produit comme celui-là. 2000 pièces montées en 2 jours. Il n'a pas pris 6 mois, là, mais 2 jours. Et voyez que quand on suit les instructions de Dieu, c'est possible d'arriver à un résultat glorieux. Et l'objectif de Dieu, je vais vous le lire dans Éphésiens. Pour nous, l'Église, Éphésiens chapitre 5, vers la fin, j'ai presque terminé. Christ a aimé l'Église et il s'est donné, livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église, comment? Glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien semblable, mais sainte et irrépréhensible. Fait que la gloire que Dieu veut pour son Église, et qui va arriver là quand même, là, malgré toutes les épreuves ou les menaces qui vont nous arriver, il va arriver avec une épouse glorieuse, irrépréhensible, aucun reproche à lui faire, impeccable, comme une mariée qui arrive à la porte là, pour aller se marier, là, toute habillée de blanc, avec toutes les décorations qu'elle veut avoir sur elle, et dont tous les regards sont tournés vers l'épouse. Jésus va nous présenter comme Église à son Père, comme son épouse. Glorieuse, sans tache. C'est lui, Jésus. Et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. et s'édifie lui-même dans la charité. Donc, tous les éléments qui constituent cette fusée-là devant nous, ils ont tous été pensés, ils ont tous été fabriqués pour pouvoir s'emboîter les uns dans les autres et de pouvoir se séparer par étage. Il y a toute une réflexion qui vient en arrière. Le monsieur Lego du début, il a pensé à un jouet ou une fabrication pour en arriver aujourd'hui à ce qu'on voit devant nous. Le Créateur de l'univers, il avait un plan pour l'humanité, sauver l'humanité de ses péchés. Et il a pourvu au Libérateur qui est Jésus-Christ. Et tous ceux qui croient en Jésus-Christ, qui acceptent sa seigneurie dans leur vie, qui se soumettent à sa volonté, ils sont un modèle vraiment sur terre de la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. En fait, ce que Dieu nous demande, c'est de se lever, si ce n'est pas déjà fait, de marcher ensemble avec lui, de lui faire confiance, avec un cœur bien disposé. J'utilise le dessin de Michel tout tantôt. Toi, exécute ce que Jésus t'ordonne. Ce qui est clair dans ton cœur de ce que Jésus te demande, fais-le. Fais-le pour l'édification du corps de Christ, pour la gloire de Jésus-Christ.